Chapitre 12. La mission de Kermadec. Un matin, de bonne heure, le docteur Patrice sortait comme de coutume pour aller prendre des nouvelles de Madame Caudal. Au moment où il mettait le pied dans la rue, il faillit tomber à la renverse en se trouvant face à face avec Yvon Kermadec. Le gabier, plus farouche que jamais, arrivait le nez au vent, promenant d'un air conquérant ses yeux bleus autour de lui, en se dandinant à la façon des gens de mer. Sa mine fleurie n'indiquait pas qu'il eût aucunement souffert pendant son absence. Patrice ne fit qu'un bond jusqu'à lui. « Comment ? C'est toi ? Te voilà ? Mais d'où sors-tu ? Et René ? Et ton officier ? » ?»« Mon officier se porte comme vous et moi, major. Il est ici ? Pour cela, non ! » dit le gabier en secouant la tête d'un air profond. Et de son pouce droit, lancé par-dessus son épaule gauche, il indiquait un point vague dans l'espace. « Où est-il alors ? Comment reviens-tu seul ? Qu'est devenu le bateau ? On vous a cru perdu ! » !»« Tout de même ?» reprit le gabier vivement intéressé. « Par ma foi, si ceux qui s'occupent de nous savaient où nous sommes allés, je crois qu'ils ouvriraient de grands yeux. As-tu déjà vu Madame Caudal ?»« Non, major, c'est à vous que j'ai affaire. » »« À moi ? Serais-tu malade ? » ?»« Pour cela, non. Faut croire que l'air est bon par là, quoiqu'il n'y en ait guère, vu que je ne me suis jamais mieux porté. »« En ce cas, que me veux-tu ? » ?»« Voilà, je suis envoyé par mon officier vers monsieur le major, comme qui dirait pour le ramener, quoi. » « Le ramener ? Où veux-tu me ramener, grand dadais ?» De nouveau, le gabier indique de son pouce ce lieu indéterminé, tout en clignant de l'œil d'un air plein de mystère. « Qu'y a-t-il par là ? » demanda le docteur en se retournant. « Chut ! Moins haut ! Mon officier désire qu'on ne sache pas en quel endroit il se trouve en ce moment. Et où se trouve-t-il, sans indiscrétion ? Dame, major ! Pour ne pas mentir, dans un drôle d'endroit, et avec de drôles de particuliers, sans parler des particulières. » Et Kermadec leva les mains et les yeux au ciel, comme pour le prendre à témoin des choses plus qu'étranges qu'il avait vues. « Voyons, que veux-tu dire ? Explique-toi. » « Eh bien, » dit Kermadec, après avoir prudemment regardé autour de lui, afin de s'assurer que personne ne pouvait l'entendre. « Voilà. « Mon officier et moi, nous avons fait un voyage. »« Enfin là, un voyage. Un de ces voyages. »« C'est bon, c'est bon. Tu veux dire qu'il est arrivé chez les gens qu'il cherchait ?»« Ah, monsieur le major est au courant. »« Eh bien, c'est ça. Mon officier est installé là comme un coq en pâte, c'est le cas de le dire. »« Et moi aussi, sauf votre respect, je n'avais point à me plaindre. » Même que si j'avais pu écrire chez moi, à ma cousine, qui est une fille bien comme il faut, elle ne m'aurait quasiment pas cru, vrai de vrai. Mais enfin, eh bien, en fin de fin, le vieux particulier, monsieur le major, c'est du reste de qui je parle, eh bien, ce bonhomme-là, qu'a plus de 100 ans, quoi, il commence à se sentir d'être vieux. Ça se conçoit, dame, quand on vit dans l'eau comme un poisson des 100 ans sans démarrer. « Eh bien donc, à 7 heures, il est malade, ce pauvre vieux, et mon officier voudrait censément que monsieur le major vînt le soigner. Le diable t'emporte, que j'aille au fond de l'eau tâter le pouls à ce vieux père Neptune. Sauf votre respect, major. Du reste, voici la lettre que mon officier m'a chargé de vous remettre, » ajouta Kermadec en cherchant dans la poche intérieure de sa vareuse. « Tu as donc une lettre ? Que ne le disais-tu ? » s'écria le docteur en arrachant le papier des mains du gabier. Il déchira l'enveloppe et parcourut tout d'un trait ce que lui écrivait son ami. « René au docteur Patrice. C'est à toi que je m'adresse encore, mon cher Étienne, parce que j'ai une requête urgente et spéciale à te présenter. Mais cette lettre est aussi bien pour ma mère et pour Hélène que pour toi. Et d'abord, laisse-moi crier victoire. Je suis au port. Je suis au but que je m'étais assigné. Et je t'écris sur une table de nacre au fond de la mer des Açores, dans le palais enchanté d'Atlantis. C'est le nom de celle que j'ai voulu revoir et que j'ai su retrouver. Si je devais te conter par le menu comment j'y parvins, il faudrait un volume. Je me borne à te donner à grands traits le sommaire de mon histoire. Comme vous le savez déjà, j'avais, avec mon scaphandre, déterminé le point précis de la demeure sous-marine. Je m'étais assuré qu'elle comprenait une serre immense, éclairée par une source lumineuse aussi brillante que le soleil. Cette lumière se propageait sous les eaux à une distance considérable. Il devait m'être relativement aisé de gouverner dans la direction du foyer. La prévision fut pleinement confirmée par les faits. Parvenu au point d'immersion, j'avais ouvert les caisses à eau dont le poids fait couler à fond mon petit navire, et en même temps éteint la lampe électrique. Je me tenais en observation derrière un hublot. À peine avions-nous atteint une profondeur que j'évalue à 200 mètres, quand l'éclat lointain du soleil sous-marin commença d'être vaguement perceptible. Cet éclat allait croissant. Bientôt, il fut possible de distinguer où en était le foyer et de mettre le cap sur ce foyer même. 40 minutes après avoir quitté la surface, je me retrouvais en contact avec le mur de cristal de la serre magique. Mais cette fois, j'étais en possession d'un navire éminemment maniable. Il me fut donc permis de procéder à une exploration régulière. Je débutais par reconnaître la forme extérieure de la serre. Comme je l'avais supposé d'après ma première visite, elle se compose de longues galeries rectangulaires dominées de distance en distance par des coupoles hémisphériques. Je revis même la brèche laissée par mon scaphandre dans l'une de ces coupoles et qui n'est point réparée. Mais ce que je ne voyais nulle part, c'était une porte, un moyen quelconque de pénétrer dans le palais enchanté. Vainement, j'avais fait le tour de la serre lumineuse, édifice immense qui se développe sur une superficie de 15 à 20 hectares. Aucune solution de continuité n'apparaissait dans la muraille transparente, contre laquelle je me trouvais buté, à la manière de ces insectes terrestres qu'un carreau de vitre sépare de la libre atmosphère. Je me demandais déjà si, pour pénétrer dans le royaume sous-marin, je ne serais pas obligé de recourir à la force, quelles que dussent être d'ailleurs les conséquences d'une effraction. Quand mon attention se fixa sur une partie basse de la muraille de verre, disposée comme le bassin d'une écluse, je m'en rapprochai aussitôt pour procéder à un examen approfondi. La conclusion de cet examen fut que je me trouvais bel et bien en présence d'une vaste chambre d'eau établie verticalement au-dessus d'une seconde chambre vide et limitée par des parois mobiles pourvues de crémaillères. Plus de doute, c'était bien une écluse, c'est-à-dire une véritable porte d'entrée. Mais comment se faire ouvrir cette porte par laquelle j'étais déjà passé jadis, selon toute apparence ? Voilà où le problème commençait à se compliquer. Après mûre délibération, je me déterminai à adopter le procédé habituel des gens qui veulent réclamer admission n'importe où, en heurtant à la porte. À cet effet, je n'avais qu'à utiliser un des bras de caoutchouc adapté au flanc de la Titania, en armant ce bras d'un marteau pour frapper la muraille de verre. Bientôt, un véritable carillon de coups retentissants et pressés résonna dans le vide de la serre, autant que je pouvais le supposer au moins, car le bruit que je causais était à peine perceptible pour mon oreille. De ces appels réitérés, je vis promptement les faits. Le vieillard de la mer, j'ai su depuis qu'il s'appelle Chariclès, parut suivi de sa charmante fille. Il donna à la vue de mon navire sous-marin les signes du plus profond étonnement et sembla d'abord indécis sur ce qu'il devait faire. Mais bientôt le sentiment de l'hospitalité l'emporta sans doute sur la crainte de l'inconnu, vu que le vieillard s'avança vers la crémaillère de l'écluse et en tourna la manivelle d'un bras encore vigoureux. Lentement, la paroi mobile de la chambre supérieure s'ouvrit devant la Titania, qui s'y établit en 3 tours d'hélice. Aussitôt, la crémaillère fonctionna en sens inverse pour refermer les portes supérieures, tandis que les portes inférieures, s'ouvrant à leur tour, laissaient entrer l'eau de mer dans le second bassin. La Titania y pénétrait aussi et se trouva bientôt enfermée dans cette prison provisoire. Alors le bassin se vida, mon navire resta à sec sur le sable fin du sol, et les portes de cristal qui me séparaient encore de la serre, glissant dans leurs rainures, je jugeai que le moment était venu de rabattre nos élytres. Tu as vu de tes yeux comme cette manœuvre est prompte. Mon apparition soudaine dans le cockpit à découvert rappelait au parfait celle de ces diables de carton qui surgissent soudain d'une boîte pour la plus grande joie des bébés et des nourrices. Elle parut faire un effet foudroyant sur le vieillard de la mer. Sans doute la surprise et peut-être la colère furent trop fortes pour lui quand il reconnut, en son visiteur inattendu, ce même intrus qu'il avait si prestement congédié naguère. Toujours est-il qu'il resta d'abord stupéfait, pour articuler quelques mots sans suite, puis s'abattit soudain comme une masse sur le sol du jardin. Avec sa fille et Kermadec, je me hâtai de lui porter secours. Il avait perdu connaissance. L'emporter dans une pièce voisine, l'allonger sur cette couche même où j'avais reposé jadis, cela fut pour nous l'affaire d'un instant, mais nos soins étaient impuissants à le ranimer. Sa fille se lamentait dans une langue harmonieuse qui était bien un vieux dialecte grec, comme je l'avais présumé. Je lui prodiguais mes encouragements, tout en m'empressant à soigner le vieillard. Mais ni d'un côté ni de l'autre, je n'obtenais de résultats bien marqués. « Que te dirais-je, mon cher Étienne? Depuis 10 jours, j'habite avec Kermadec la demeure sous-marine, et Chariclès, le maître de cette demeure enchantée, n'a pas encore repris ses sens. » Atlantis a fini par se convaincre que, si je suis la cause involontaire de ce malheur, du moins je n'épargne rien pour le réparer. Nous avons réussi à échanger quelques paroles. Je lui ai dit que je revenais uniquement pour la revoir. Elle m'a laissé entendre que le souvenir de ma première visite lui était toujours resté présent. Son vieux père et elle sont les derniers restes vivants de la race antique des Atlantes. Je crois comprendre qu'à une époque reculée, dans la nuit des âges, leurs ancêtres, se refusant à quitter le sol natal, qui s'abîmait lentement sous les eaux de l'Atlantique, avaient fait appel à toutes les ressources d'une science déjà raffinée pour lutter contre l'océan et se créer en ses abîmes une existence artificielle. De fait, rien ne ressemble aux choses terrestres dans cet habitat modelé et entretenu de toutes pièces par la main des hommes. Lumière, air respirable, aliments, vêtements, rien qui me soit un tour de force artistique. La vie animale et végétale est un défi perpétuel aux lois courantes de la nature. La durée et la constance de la lutte semblent avoir eu pour effet de porter au plus haut degré la puissance créatrice et productive de ce peuple submergé. En définitive, il sort vaincu de cette lutte, puisque la race est présentement réduite à 2 individualités, Chariclès et sa fille. Mais les résultats acquis au cours d'une longue suite de siècles n'en sont pas moins merveilleux. Rien n'égale la splendeur souveraine des jardins enchantés où je vis comme en rêve auprès d'Atlantis. Tu en jugeras au surplus, mon cher Étienne, si tu viens m'y rejoindre, car le service que je réclame de ton amitié, celui que tu ne me refuseras pas, j'en suis sûr, est d'apporter les secours de ton art et de ton expérience professionnelle à celui que ma venue a terrassé. Adieu, Kermadec te donnera de plus amples détails. J'envoie toute ma tendresse à maman, à Hélène, et je t'attends. René. Il m'attend, c'est bon à dire, s'écria le docteur en achevant de lire la lettre de son ami. Mais comment diable veut-il que j'arrive auprès de son malade? Dame comme nous, par la Titania, bien sûr. Elle est donc ici? C'est-à-dire que je l'ai amarrée hors du goulet, dans une petite anse à moi connue, Port-Léogan, près du Cap Saint-Mathieu. Un fier bateau, y a pas à dire. Mais voilà, mon officier ne veut pas qu'un chacun sache où il est. Je dois compter aux curieux qu'il se trouve dans une île de là-bas et qu'il m'envoie donner de ses nouvelles à madame sa mère et sa demoiselle cousine, qui sont des dames bien comme il faut, c'est sûr. Et tu crois que je vais partir ainsi pour tes pays insensés? Dame, major, c'est votre affaire et point la mienne. Mon officier m'a dit de venir et je suis venu. Je puis vous dire seulement que monsieur René se fait joliment des cheveux à vous espérer et que plus tôt nous partirons, mieux cela vaudra. Même que, pour être plus sûr de ne pas vous manquer à votre arrivée, monsieur René a voulu poser une sonnerie à la porte de l'écluse. Comment une sonnerie? Parfaitement, une sonnerie électrique, avec un timbre qui fait un carillon de tous les diables. Comme je vous le dis, major, nous avons assez turbiné tous deux pour la poser. Maintenant, c'est très commode. En arrivant à la porte d'eau, un bouton d'ivoire qui vous crève les yeux, on n'a qu'à le toucher à bout de bras de caoutchouc, draline, draline, le carillon se met en marche et l'écluse s'ouvre devant vous. Pour une crâne invention, c'est ce que j'appelle une crâne invention. Ah, il n'est pas manchot, allez, mon officier. Tu me comptes là un tas de sornettes? Mais c'est absurde, inouï! S'écria le docteur avec agitation. À quoi pense René? Est-ce que j'ai le temps, moi, de me lancer en des aventures pareilles? Le gabier, jugeant avec raison que ces questions ne s'adressaient pas à lui, ne répondit rien. « Enfin, reprit le docteur après avoir songé un instant, vient toujours tirer d'inquiétude Madame Caudal, qui croit son fils perdu à jamais. Après cela, nous verrons. Mais de toutes les têtes brûlées, René est bien le champion, sans conteste. » Et l'esprit bouleversé, il se rendit chez Madame Caudal.